Le 27 juillet, à l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, le cimetière des martyrs de la guerre de libération de la patrie et le cimetière des martyrs patriotes de Smyri à Pyongyang ont été fleuris. Y ont été déposées respectivement les couronnes mortuaires envoyées par le maréchal Kim Jong-un. À la cérémonie ont participé Kim Yong-nam, Park Bong-joo, Choi Ryong-hae et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les officiels des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des comités, ministères et établissements centraux, les militaires de l'armée populaire et des forces populaires de l'intérieur de Corée, ainsi que les travailleurs de la capitale.